perdu la notion du temps. Alcoolique, virus, ton sevrage, sans tertian. Mais tu n'en as qu'un, si tu recommences, c'est pour toujours. Acide, buvard, esthétique, ne vont jamais. Bien vite, un net légume, de long et en loin. Si tu veux vraiment cette drogue pour t'amuser, prends du mushroom, mais tu riras de moins en moins. Escaline, si tu veux fuir un monde hostile, pour toutes les souffrances, ne sont que pacotille. Aussi rapidement que la psychose t'attend, au mieux un autre moyen de sortir de l'enfer l'attend. L'héroïne, la drogue des dieux, quand t'as l'argent pour te mettre dans les bras, c'est merveilleux. Et tes deux premiers fixes sont tes dernières chances avant la méthanone. Ensuite le ciel au-dessus de toi fait une automne. La cocaïne, Speedy Gonzales. Mais tu viens vite, de moins en moins vite. Tu paranoïes et tu te sens mal à l'aise. Et c'est pas la joie, et c'est pas un mythe. Je craque, tu prends ta première pop et c'est déjà fini. Plus d'espoir, plus d'avenir, c'est l'enfer. Tu me refous de te dire